Première partie, chapitre 15e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 15e, méditation de l'enfer. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu, et deuxièmement, humiliez-vous en lui demandant sa grâce. Troisièmement, représentez-vous une ville couverte de ténèbres, toute ardente d'un feu de soufre et de poix qui exhale une horrible vapeur, et pleine d'habitants désespérés qui ne peuvent ni en sortir, ni y mourir. Considération. Premièrement, les damnés sont dans l'abîme infernal, comme ces citoyens infortunés dans cette affreuse ville. Ils y souffrent des tourments qu'on ne peut expliquer. Dans tous leurs sens et en tout leur corps, car comme ils ont employé à pécher tout ce qui était en eux, ils endureront aussi dans tout ce qu'ils sont les peines dues au péché. Ainsi les yeux souffriront, pour leur regard criminel, la vue des démons en mille formes hideuses et la vue de tout l'enfer. L'on n'entendra que pleurs, lamentations, désespoir, blasphèmes, discours diaboliques, ce qui sera un tourment spécial pour punir les péchés commis par le sens de l'ouïe. Et il faut dire la même chose des autres sens. Deuxièmement, outre tous ces tourments, il y en a un beaucoup plus grand. C'est la privation et la perte de la gloire de Dieu qu'ils ne verront jamais. Quelque douce que fût la vie d'Absalom dans Jérusalem, il protesta que le malheur de ne pas voir son cher père depuis 2 ans lui était plus intolérable que ne lui avaient été toutes les peines de son exil. Ô mon Dieu, quelle peine sera-ce donc et quel regret d'être éternellement privé de votre vue et de votre amour. Troisièmement, considérez surtout l'éternité, laquelle toute seule rend l'enfer insupportable. Hélas, si la chaleur d'une petite fièvre nous rend une courte nuit fort longue et ennuyeuse, que sera-ce donc l'épouvantable nuit de l'enfer, où l'éternité est jointe à l'excès de la douleur? Et de cette éternité naissent le désespoir éternel, les blasphèmes exécrables et des rages infinis. Affection et résolution. Tâchez de jeter la frayeur dans votre âme, en lui faisant cette question du prophète Isaïe. Ô mon âme, pourrais-tu vivre éternellement au milieu de ce feu dévorant et habiter avec les ardeurs éternelles? Veux-tu bien quitter ton Dieu pour jamais? Confessez que vous avez mérité ces horribles châtiments, mais combien de fois, oh, désormais je veux prendre le bon parti et marcher par une autre voie que je n'ai fait. Pourquoi me précipiter dans cet abîme de misère? Je ferai donc tel et tel effort pour éviter le péché, et qui seul peut me causer la mort éternelle. Conclusion. Remerciez, etc. Offrez, etc. Priez, etc. Pater. Ave. Fin du chapitre 15e. Première partie.